sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vices cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. Qu'est-ce que la télévision ? À tous ceux qui se posent encore cette question, le cinéma apporte aujourd'hui une réponse. C'est un Français, Barthélemy, pionnier de la télévision, qui perfectionna l'iconoscope. L'iconoscope, élément essentiel de la télévision, est placé à l'intérieur de la caméra électronique qui assure la prise de vue. Il décompose l'image 25 fois par seconde, la transforme en modulation, puis la reconstitue à la même vitesse. Jacqueline Joubert, présentatrice à la télévision, vous explique ce fonctionnement. Télévision. Je voudrais donc montrer que la télévision est le lieu de censure multiple et pour la plupart invisible, y compris pour ceux qui les exercent. Plus on avance dans l'analyse d'un mécanisme, d'un milieu, d'un fonctionnement social, plus on comprend comment il fonctionne, plus on comprend aussi que les gens qui le font fonctionner sont manipulateurs autant que manipulés. On la croyait morte, elle est encore là. On annonce sa fin prochaine, elle continue malgré tout à imprégner l'air du temps. On l'a dit pas crédible, elle reste la première source d'information pour les Français. On l'a dit clivante, ses audiences continuent à faire rêver. On la voit en perte de vitesse, on ne cesse de l'accuser de nous manipuler. Elle, c'est la télévision. Celle qui réussit le tour de force d'être l'écran qu'on critique mais qu'on regarde, l'écran qu'on regarde mais qui reflète les pathologies de nos sociétés. Radicalisation du débat, règne de l'image, pauvreté intellectuelle, logique commerciale, abrutissement des masses. Dans la grande famille des médias, elle est cet oncle gênant qu'on aime mépriser, dont on suit les moindres sorties pourtant, à l'affût d'un énième scandale qu'on commentera. Mais avec elle, on rigole bien quand même. On a quand même bien rigolé. On découvre aussi, on apprend, on se réconforte, on se forge une mémoire collective. C'est là tout son paradoxe à la télévision. On la voudrait parfaite. Elle est finalement à notre image. Imaginons ces questions. On met M. Perfit à la place de ce représentant de FO. Est-ce qu'on lui parlerait comme ça? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada. Dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser. Quelle réforme proposez-vous? Faisons un jeu de rôle. Faisons un jeu de rôle. Est-ce qu'on parlerait comme ça? Et ça, je suis certain que non. La réponse est oui. Laissez répondre le principal intéressé. Pour l'instant, l'intéressé n'a rien à répondre parce que j'ai assez de respect pour Pierre Bourdieu pour lui rappeler un fait et deuxièmement lui délivrer une considération. Le fait, c'est qu'en lui-même a été invité de la marche du siècle dans une formule un peu particulière, puisque je voulais occasionner une rencontre sur la misère, où vous venez d'écrire votre enquête, avec l'abbé Pierre. Et j'ai le sentiment, avec le respect que je vous donne, M. Bourdieu, que vous aviez une grande timidité à rencontrer cet homme et de vous avoir aidé dans le début de l'émission. Dites-moi le contraire. Oui, c'est vrai. Mais La deuxième chose, je réserve le reste de mes observations pour la fin. Et j'aurais dire que l'intérêt de cette émission, et l'intérêt d'ailleurs de l'analyse critique de Pierre Bourdieu, qui est, à mes yeux, en effet, un grand esprit, c'est de voir comment quelqu'un qui travaille, au fond, sur le fond des choses, peut donner un certain nombre de directions qui seraient utiles à l'amélioration du travail télévisé. Si c'est pas utile, ça ne sert à rien. Bonjour Jean-Louis Fabiani. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à Central European University à Vienne, en Autriche. Vous êtes l'auteur notamment de la sociologie Histoire, idées courants, paru aux éditions Sciences Humaines, et la sociologie comme elle s'écrit, de Bourdieu à Latour, paru aux éditions de l'EHESS. Alors on ne pouvait pas envisager de faire une série d'émissions sur la télé sans parler de Pierre Bourdieu, qui a écrit l'intitulé Sur la télévision. Et tout part de l'archive que l'on vient d'entendre à l'instant, puisque c'est à la suite de cette émission, Arrêt sur image, diffusé précisément le 23 janvier 1996 sur la 5e, que Pierre Bourdieu décide de s'attaquer au petit écran. Pourquoi partir de cette émission? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette émission pour que ça entraîne une réflexion sur la télé, mais d'abord un énorme courroux de sa part? Oui, alors il faut commencer, je pense, par décembre 1995, une grande grève des cheminots et du service public. Moment au cours duquel, 2 ans après le livre dont Cavada parlait, La misère du monde, Bourdieu envisage de jouer un rôle politique. Mais c'est un tournant dans la trajectoire de Bourdieu. La misère du monde est elle-même un tournant dans sa méthode scientifique. Il abandonne, disons, ce qu'il appelait le métier de sociologue pour faire un travail qui est beaucoup plus proche de celui du journaliste. Et donc ce changement et l'engagement politique croissant de Pierre Bourdieu va le confronter de plus en plus aux médias. Il va ressentir lors de cette émission une frustration tout à fait incroyable qu'il va mettre en mots. Et c'est un article passionnant parce que c'est une sorte d'ethnographie de l'universitaire qui se rend à la télévision et qui, en quelque sorte, attend au maquillage, est complètement, disons, handicapé. Ses ressources habituelles disparaissent parce qu'il est dans un cadre nouveau, dans cet univers avec beaucoup de lumière, avec le maquillage, et où il ne peut pas s'exprimer. Alors, quand on entend l'archive, on voit qu'il s'exprime très bien, au contraire. Et donc, après, les journalistes ont dit « mais il a parlé 2 fois plus que nous », etc. Et on est à front renversé. C'est Cavada qui est très respectueux à l'égard du grand universitaire et Bourdieu qui est plutôt l'intervieweur ou interviewé agressif. Cette inversion est très, très étonnante à l'écoute de l'archive, là, j'ai trouvé. Donc, on a en décembre 95 Bourdieu qui est invité pour parler des mouvements sociaux par Jean-Marie Cavada. Puis, il est réinvité dans l'émission Arrêt sur image en janvier 1996 pour commenter finalement le traitement des mouvements sociaux par la télévision. Il demande à ce que Guillaume Durand et Jean-Marie Cavada, journaliste alors, soient face à lui. Et finalement, il va tenter de faire un procès en fait de la télévision. Procès, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas une critique de la télévision, ce que les journalistes d'ailleurs n'acceptent pas, ou du moins défendent très bien. On a d'ailleurs entendu Jean-Marie Cavada qui a une sortie, mais on doit dire assez parfaite, à savoir il dit je n'ai pas envie de répondre, mais je vais quand même répondre, et il dit d'abord un fait après une observation. Oui, la critique de Bourdieu, c'est une critique. Et a-t-on le droit de critiquer la télévision? La réponse est évidemment oui. Mais Bourdieu le fait dans un certain esprit qui est celui de l'universitaire qui ne souhaite pas que sa parole elle-même soit critiquée. Et ce déséquilibre est quelque chose de très intéressant parce que Bourdieu vient de l'université et il a une image du sociologue, j'ai souvent parlé du sociologue roi, comme le philosophe roi, dans l'Antiquité, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'insérer, disons, dans des dispositifs, comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, de l'entretien, puisque cet entretien met toujours, disons, en question l'interviewé. Quel ou il fasse. Et dans ce cas, les journalistes lui ont fait observer d'ailleurs qu'il avait parlé 2 fois plus de temps qu'eux et qu'au fond, il avait aussi conduit cet entretien. Et là, on voit qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre le travail même du journalisme que Bourdieu décrit avec beaucoup d'acuité, le formatage, la conscience des questions, etc., mais dans format dans lequel il ne peut pas s'exprimer. Alors la question, c'est est-ce qu'il existerait d'autres modes, d'autres types de télévision dans lesquelles l'universitaire pourrait s'exprimer sans être interrompu. Ben, c'est le cas, puisque son livre, donc paru en 96 sur la télévision, est en fait la retranscription d'une interview, enfin même pas vraiment, en fait d'un cours qu'il a c'est produit. C'est un monologue. Voilà, un monologue qu'il a produit au Collège de France. Et dès le début d'ailleurs, il dit « Ce que je suis en train de faire là, à la télévision, n'a rien à voir avec ce que vous voyez habituellement à la télévision, puisque c'est moi qui vais décider du thème, de mon temps de parole, c'est moi, il le dit très clairement, qui maîtrise les moyens de production. Finalement, ce que Bourdieu soulève comme problème, c'est à la fois la compatibilité d'un formatage télé avec le travail d'intellectuel, mais aussi le fait que la question de qui contrôle quoi, finalement. Qu'est-ce qui devrait détenir ces moyens de production ?» Voilà, c'est la question. En même temps, Bourdieu ne s'intéresse pas vraiment, il le dit lui-même dans ce cours du Collège de France télévisé, il le dit lui-même, c'est pas la question de la possession, quel type de capital économique possède les médias. Pour lui, le problème, il est dans le format même de la télévision. C'est pas, je veux dire, parce que la question se pose aujourd'hui, comme l'ont montré les livres de Julie Acagé. Enfin, le contrôle des médias par de grands groupes est une vraie question, mais qui, très curieusement, n'intéresse pas centralement Bourdieu. Ce qui l'intéresse, c'est précisément le dispositif, je crois, qu'il a décrit avec beaucoup d'acuité dans son article du Monde diplomatique. Et il dit, moi, je vais révéler ce que, y compris les journalistes, ignorent. Il dit, je ne veux pas faire un travail de dénonciation, mais un travail d'énonciation. Et les réalités dont je vous parle sont dissimulées aux journalistes. C'est ce qu'on a entendu dans l'archive de départ, où on entend les mécanismes invisibles. Voilà, ces mécanismes invisibles. Bourdieu accorde énormément d'importance à des mécanismes inconscients. Ce dont je tends à douter, puisque je pense que, comme tous les agents sociaux, les journalistes ne sont pas des automates, etc., et qu'ils sont beaucoup plus conscients, je crois, de ce qu'ils font dans leur métier, et des contraintes qui s'imposent aussi à eux. Mais pour Bourdieu, il n'y a pas de... Il veut révéler, disons, aux journalistes, leur essence même. Et c'est là peut-être qu'il a une ambition excessive, pour parler comme Jon Elster, qui est une notion très importante. Il ne faut pas avoir d'ambition excessive dans les sciences sociales. Et Bourdieu, lui, veut tout. Autrefois, il y avait la paléo-télévision, faite à Rome ou à Milan, pour tous les spectateurs. Elle parlait d'inauguration présidée par des ministres et s'assurait que le public n'apprit que des choses innocentes, quitte à dire des mensonges. Maintenant, avec la multiplication des chaînes, la privatisation et l'avènement de nouvelles diableries électroniques, nous sommes entrés dans l'époque de la néo-télévision. Sur la Paléo-TV, on aurait pu faire un petit dictionnaire des titres des émissions et des noms de leurs protagonistes. Tâche qui se révélerait impossible avec la néo-TV. Non seulement parce que les personnages et les rubriques sont infinis, non seulement parce que personne n'arrive plus à s'en souvenir et à les reconnaître, mais aussi parce que le même personnage joue des rôles différents suivant qu'il parle sur les écrans d'État ou sur les écrans privés. La caractéristique principale de la néo-TV, c'est le fait qu'elle parle de moins en moins du monde extérieur, ce que la paléo-TV faisait ou feignait de faire. Elle parle d'elle-même et du contact qu'elle est en train d'établir avec son public. Peu importe ce qu'elle dit ou de quoi elle parle, parce que le public armé de télécommande décide du moment où elle peut parler et du moment où il change de chaîne. Pour survivre à ce pouvoir du public, elle essaie de retenir le spectateur en lui disant « Je suis là, je suis moi et je suis toi ». France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était un texte non pas de Pierre Bourdieu, ça n'était pas un extrait de Sur la télévision, mais un texte d'Umberto Eco, Télé, la transparence perdue, qui est paru dans son livre La guerre du faux de 1983, interprété par Bernard Gabay. C'est très intéressant, Jean-Louis Fabiani, cette distinction que fait Umberto Eco entre la paléo-télévision et la néo-télévision, et notamment cette distinction qui est fondée sur le fait qu'avant la télévision parlait d'autre chose qu'elle-même, et que maintenant elle ne parle que d'elle-même. Il y a une forme de circularité comme ça, de mise en abîme. Est-ce que c'est véritablement la critique que fait Bourdieu aussi à la télévision? Est-ce qu'il regrette en fait un temps de la télévision, à savoir quand elle avait une posture peut-être plus surplombante, une visée démagogique, pas démagogique, justement une visée pédagogique et non pas démagogique? Oui, je pense qu'il y a cette nostalgie de la télévision publique des années 50, où l'on diffusait les Perses et d'Eschyle, etc. Mais ça n'affleure pas beaucoup dans le petit livre de Bourdieu. Je crois que là, Umberto Eco, dont le livre est excellent, introduit une dimension très importante de cette nouvelle télévision qui devient, si on veut utiliser un peu des termes philosophiques, autoréférentielle. La philosophie, la télévision se nourrit d'elle-même. Comme on l'a vu, il y a des émissions consacrées à la télévision, etc. La télévision devient sa propre mémoire, devient un univers complètement clos si l'on regarde l'émission du type d'Hanouna, etc. Et donc, effectivement, ce que Bourdieu voudrait, ce serait une bonne télévision, une télévision qui exprime l'intérêt public. Et on peut dire que effectivement l'époque où il n'y avait qu'une chaîne, cette époque où la télévision avait aussi des ambitions pédagogiques, est peut-être ce que Bourdieu estime être un monde perdu. Mais est-ce que il faut quand même faire la différence entre ce que dit Bourdieu de la télé et aussi du journalisme, c'est-à-dire que dans le texte on a l'impression qu'il identifie télévision et journalisme. Il identifie l'expérience qu'il a eue dans un débat avec des journalistes de ce qu'on devrait dire de la télévision. Et finalement, la condamnation de la télévision vient d'une mauvaise expérience avec des journalistes. Et la condamnation du journaliste vient d'une condamnation sur une distinction d'une ancienne télé avec une nouvelle télé. Vous avez raison de pointer cette sorte de superposition entre une critique de la télévision et quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est une critique du journalisme. Il est évident que sociologues et journalistes ont le même objet, c'est-à-dire de parler du monde social. Et il se trouve que dans l'histoire de la sociologie, en particulier l'école de Chicago, Park et Burgess, ont été des journalistes, que Raymond Aron, qui est le maître de Bourdieu, a été journaliste au Figaro. Et donc, parler du monde, les journalistes sont des concurrents, et aussi ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire qu'ils régulent l'accès aux médias des universitaires et des sociologues. Donc cette relation parfaitement ambivalente, de concurrence mais aussi de complémentarité, est quelque chose qui taraude Bourdieu. Bourdieu s'est beaucoup intéressé aux journalistes, c'est probablement le seul sociologue de ma connaissance qui ait formé des journalistes, comme Didier Ribon, qui est devenu professeur de sociologie, ou Laureté Pascal Casanova, qui a fait une thèse avec lui et qui est devenu universitaire à Duke aux États-Unis. Donc il y a cette espèce de fascination pour le journalisme et en même temps, fascination-répulsion, une inquiétude face à ce que les journalistes vont faire de sa propre parole. Mais donc c'est les journalistes télé. Oui, c'est compliqué parce qu'il a développé aussi une très longue critique du Nouvel Obs, le Club Med de la culture. Donc les choses sont plus étendues, je crois, mais c'est effectivement l'effet télévisuel. Bourdieu, c'est important, croit à la spécificité de l'effet de la télévision par rapport à d'autres médias. C'est une question qu'on pourra se poser. Et qu'on peut d'ailleurs effectivement toujours se poser. Il faut dire quand même, donc, on l'a déjà dit, mais je le rappelle, ce texte de Bourdieu date de 96. Il semble nostalgique, tout comme Umberto Eco, ou en tout cas ils font la différence entre une ancienne télé et une télé des années 90. Il faut dire qu'à ce moment-là, la télé c'était quand même quelque chose de dingue. Il n'y avait pas encore Internet, ou du moins ça n'avait pas la place que ça a maintenant. On n'avait pas tous des téléphones portables. 25 ans plus tard, après ce texte, est-ce que la critique de Bourdieu, c'est-à-dire que là, quand on parle de la paléo-TV, de la néo-télé, maintenant il faudrait dire quoi à propos de la télé? La post-télé. La post-télé, oui, c'est vrai, ça marche bien. Voilà. Oui, je crois que les conditions de diffusion de la télévision, vous le dites justement, ont complètement changé. Les jeunes générations regardent des images sur d'autres supports, etc., mais Ce qui est intéressant, c'est que un certain nombre des remarques de Bourdieu restent absolument pertinentes. La recherche du clash. Alors, il n'avait pas imaginé le trash, la trash télé, Hanouna, des choses comme ça. Mais tout était inscrit au fond dans ce qu'il appelle le catch, etc., le combat. Tout était en puissance. Voilà, c'était en puissance. Donc, il pouvait pas évidemment imaginer les transformations structurelles de diffusion de l'image. Mais en tout cas, il avait vu juste de ce côté-là, c'est-à-dire dans cette nouvelle télé de l'époque, le fait qu'il était devenu impossible de prendre du recul, prendre le temps. Toute la réflexion de Bourdieu est une réflexion sur le temps et la temporalité qu'impose la télévision et qu'impose beaucoup moins la radio, par exemple. Et le fait que le formatage par la télévision soit aussi contraignant est pour lui quelque chose qui va empêcher la description du monde social. Mais c'est vrai que Bourdieu pose une question, en fait, qu'on se pose peu, mais qui semble évidente, ou alors qu'on se pose beaucoup, mais à laquelle on fait plus attention, qui est pourquoi, en fait, ça va aussi vite quand on est à la télé ou quand on regarde la télé? C'est-à-dire pourquoi il faut aller tout de suite à l'essentiel? Pourquoi il faut absolument capter l'attention? C'est effectivement des questions à se poser sur, non pas seulement la mise en œuvre de l'information, mais aussi vraiment sur le rapport de présenter un spectacle, quel qu'il soit. Voilà, et là Bourdieu a tout à fait raison de parler de cette question du temps et du temps court, parce que c'est un présupposé qu'ont les gens de télévision, en tout cas à ce moment-là, c'est-à-dire que si on fait un tunnel, si on allonge le débat, le questionnaire, s'il n'y a pas d'événement, il le dit très bien ça, s'il ne se passe rien, on zappe, on décroche. Donc il faut toujours être en haleine au détriment, effectivement, de la réflexion, de l'analyse. Et là, le sociologue est vraiment handicapé parce qu'il ne peut pas, elle ne peut pas, poursuivre un argumentaire. Il n'y a pas d'argument possible à la télévision, dit-il. Alors on peut nuancer. Parce qu'il y a cette idée d'un rythme qui est imposé et qui là est complètement intégré dans la tête des animateurs de télévision. Si on casse le rythme, on perd de l'audience. C'est ça qu'il nous dit, et je pense que ça reste vrai. Mais ce serait intéressant de se demander pourquoi on se dit à tout prix qu'il faudrait avoir un rythme à la télé qui soit rapide. Je vous propose d'écouter, Jean-Louis Fabiani, une archive de Pierre Bourdieu. Vous avez parlé de monde clos, ça rejoint exactement ce qu'il va nous dire maintenant. L'image a cette force exceptionnelle qu'elle peut produire ce que les critiques littéraires appellent un effet de réel. Elle peut faire croire, elle peut faire voir et faire croire ce qu'elle fait voir. Et cette sorte de puissance d'évocation a des effets de mobilisation. Elle peut faire exister pas seulement des idées, pas seulement des images, des représentations, elle peut faire exister des groupes. Alors, il y a un autre exemple, c'est la grève des lycéens des années, je ne sais plus, il y en a eu tellement, grâce à Dieu, bon, c'était une des grèves des lycéens, dont le traitement illustre parfaitement tout ce que je viens de dire. Les journalistes avaient en tête 68. Alors bon, est-ce que ça serait pas de nouveau 68? Si 68, il faut vraiment pas le rater. Bon, alors on commence à filmer, puis on a affaire à des ados pas très politisés, qui savent pas trop quoi dire. Alors on crée des porte-paroles, les porte-paroles se prennent au sérieux, etc., etc. Bon, et de fil en aiguille, bon, la télévision qui prétend enregistrer devient un instrument de création de réalité. Bon, elle fait voir, elle fait croire, et alors ça conduit à des choses extrêmement importante. On va de plus en plus vers des univers où le monde social est décrit, prescrit par la télévision. La télévision devient en quelque sorte l'arbitre de l'accès à l'existence. Un coup médiatique réussi, oui ou non, sachez qu'hier, il y avait des gilets jaunes qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils avaient un coup de gueule à faire dans une émission. Ils m'ont demandé si je voulais bien leur donner la parole. J'ai dit, moi, la parole ici, elle est ouverte à tout le monde. Donc, on a avec nous Jean-Claude, qui est VTC, qui était hier aussi avec moi dans la rue. Et Maxime, vous êtes intérimaire. Vous avez travaillé dans la logistique, dans les transports et dans la mécanique. Alors, moi, les chéris, on est en direct ici. Vous m'avez dit, nous, on en a marre et on a un coup de gueule à passer parce que, a priori, vous trouvez que vous avez un traitement médiatique qui n'est pas conforme à ce que vous attendiez. Bah, on a un traitement médiatique qui montre complètement l'inverse de ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui est dit dans les médias? Ce qui nous dérange, c'est que on met une différence, encore une fois, on divise les gens. On divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen. C'était un extrait de Touche pas à mon poste sur C8 le 20 novembre 2018, donc en plein mouvement des gilets jaunes. Et juste avant, on a entendu donc la voix de Pierre Bourdieu. Donc c'est extrait de ce qui a été le texte après qui s'appelle Sur la télévision, qui était donc d'abord sous forme télévisuelle et qui a été réalisé par Gilles Lotte et qui date de 1996. On voit bien dans ce que dit Pierre Bourdieu, Jean-Louis Fabiani, l'idée de créer une réalité. Je trouve que c'est une accusation qui est très forte, qui est même un petit peu inquiétante, parce qu'on a presque l'impression d'entendre un Bourdieu presque complotiste qui viendrait nous dire que la réalité qui est présentée à la télé ne ressemble pas à la réalité qui se produirait dans la vie de tous les jours, ce qui semble contradictoire avec des émissions comme Touche pas à mon poste précisément, qui vont nous dire au contraire qu'ils vont donner la parole à tout le monde. Voilà, alors on peut se demander, d'ailleurs je me posais la question en écoutant l'archive, est-ce que les Gilets jaunes ont écouté Pierre Bourdieu justement et veulent transformer la télévision en produisant eux-mêmes leur propre réalité? Alors je n'irai pas jusqu'au terme de complotisme, mais je veux dire, l'histoire elle-même, est pour qu'un groupe existe dans la réalité et avant la télévision, il faut que ce groupe se donne les moyens de se représenter à lui-même. Bourdieu a écrit des choses très bien sur les classes en soi et les classes pour soi. Un groupe en tant que tel n'existe pas avant qu'il ait qu'il se soit présenté dans le monde. Et donc la télévision, effectivement, ça c'est clair, il y a une force de l'image, Bourdieu le dit, qui a une dimension performative. Mais je pense aussi que les choses sont toujours plus compliquées et que aujourd'hui, à la différence peut-être des années 80, les groupes ont compris l'importance du média télévisuel dans cette constitution. Les Gilets jaunes ont existé à travers les médias beaucoup plus que comme une force sociale puissante. Et le choix de l'image, le choix des ronds-points, toute cette iconographie est aussi la preuve d'une activité de ces groupes, d'une ce qu'on appelle l'agency en anglais, cette capacité d'agir sur le médium lui-même. Et je crois que là, on est dans une situation beaucoup plus complexe que celle d'une production ex nihilo de la réalité par la télé. Oui, d'une réalité qui serait complètement fausse. En même temps, on sait aussi que pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une très très grande défiance à l'égard des journalistes sur le terrain, que les journalistes étaient hués, chassés, voire tabassés, parce que effectivement, il y avait le même reproche, la même critique que celle que Bourdieu adresse aux journalistes et qu'on a entendu dans cette archive-là, cet effet de réel que produisent les informations à la télé, notamment par l'image et par le texte, par cette association des deux dimensions, et qui finalement, sans dire quelque chose d'irréel, sans créer une réalité ex nihilo, va interpréter, présenter une réalité légèrement différente et du coup fausse, qui effectivement ne révèle pas la vérité. En tout cas, les stratégies médiatiques des Gilets jaunes qui existent, on en voit ici un exemple, ont permis aux journalistes aussi de changer leur regard peut-être sur la réalité sociale de la France et sur l'émergence de ces nouvelles catégories qui n'appartiennent ni au prolétariat ni aux classes moyennes, et que cette agitation médiatique a aussi permis d'exprimer. Donc moi je voudrais faire droit à la complexité, disons, de la télévision contre l'idée qu'il y aurait une magie de l'image qui s'imposerait. Je veux dire, le grand problème de Pierre Bourdieu, ça, je l'ai écrit plusieurs fois, c'est qu'il ne s'est jamais posé la question de l'audience. Vous voyez, il pose la question du médium télévision et de l'audimat, mais de manière très abstraite. Mais que font les gens quand ils regardent la télévision? Ça, il y a des tas d'analyses sociologiques sur ces questions depuis 50 ans qu'il n'a pas du tout effleuré et qui sont une partie du problème. Pourquoi est-ce que les gens continuent de regarder la télé avec autant Alors, c'est pas de la fascination, parce qu'ils ont aussi un regard critique, je crois. Mais ils passent autant de temps devant ces images. C'est une question qui ne se pose pas. Et du coup, ça limite peut-être un petit peu son regard critique. Ce qui est moins le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il y a moins de gens qui passent autant de temps devant la télévision. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas des images d'ailleurs. Donc, ils regardent encore plus d'images, je crois, qu'avant. Mais c'est sur d'autres formats, d'autres supports. Et qui, je veux dire, ça ne met pas en cause entièrement l'analyse de Bourdieu, puisque cette culture du clash, elle est aussi sur les écrans de téléphone. Oui, de toute façon, c'est des extraits. D'ailleurs, voilà. C'est ça qui est intéressant avec la télé, c'est-à-dire qu'on ne la regarde plus de manière continue, sauf différence de génération. Ça, c'est vrai, il faut aussi le dire. Mais effectivement, on va quand même se partager sur les réseaux sociaux des extraits qui se sont produits sur les plateaux tout télé. Tout à fait. Moi, je reçois sans arrêt, bien que je sois âgé, une capsule comme ça de Mélenchon ou de Zemmour. Qui est destiné à me faire réagir, quoi. Où il y a aucun argument. C'est pas réservé à ces deux seuls personnages, mais on est dans cette culture de l'instant, encore plus avec les réseaux sociaux, qui était celle que décrivait Pierre Bourdieu, parce qu'il faut pas jamais avec Bourdieu jeter le bébé avec l'eau du bain. Si des formulations sont un petit peu rapides ou discutables, s'il est lui-même pris dans cette contradiction entre le grand universitaire et le journaliste, il n'en reste pas moins qu'il a une acuité de regard sur sa propre situation dans les médias qui mérite, disons, d'être approfondi, je crois. Ce qui est intéressant aussi, c'est la critique de Bourdieu qu'on entend dans cette archive sur le fait qu'en montrant, on peut cacher des choses sans aller jusqu'à une forme de complotisme. C'est effectivement cette manière, en fait, de construire l'information. C'est-à-dire que fabriquer de l'information, ça suppose une forme de construction et ça pose une bonne question qui est jusqu'où on reconstruit, jusqu'où, en fait, on choisit des sujets qu'on met en avant. Alors, Bourdieu a cette phrase célèbre sur les faits divers. Ce sont des faits qui font diversion. Ce sont des faits omnibus, c'est-à-dire pour tout le monde. Ils font consensus. Et puis, il y a aussi les faits sensationnel, dramatisé, scénarisé. Là, les faits divers regroupent ces deux dimensions-là. Effectivement, il faut se poser cette question de quels faits on met en avant, comment on construit cette information. Tout à fait. Alors, deux réponses, c'est deux thèmes qui sont un petit peu différents et qui se rejoignent. Le premier, bien entendu, c'est la question du cadrage, du montage, des choix qui vont construire l'image. Évidemment, l'image, elle n'est pas brute. Même les télés d'information permanente, quand elles filment manifestations, enfin c'est pas, il y a un traitement. Donc Bourdieu a tout à fait raison. Il se réfère à Godard, enfin à ces analyses critiques des conditions de la production des images. Et c'est tout à fait important, effectivement. Et ça, cela en général est caché aux spectateurs, mais c'est une thématique qui, depuis Vertov jusqu'à Godard et après, est très importante. Le deuxième thème sur lequel je serai plus critique à l'égard de Bourdieu. Alors, les faits divers font diversion, ça c'est un propos de Cagneux ou de Normalien. Vous savez, on joue sur un mot, divers, diversion. Moi je crois qu'une bonne analyse des faits divers par des sociologues, il y en a maintenant par des historiens, plus que par des sociologues, mais Edgar Morin avait fait La rumeur d'Orléans. Je veux dire, les faits divers, c'est pas du tout une diversion. Les faits divers, ils expriment le monde social autant. Je dirais pas sinon plus que des faits politiques. Là, le fait divers est pas du tout quelque chose d'anecdotique ou de vain. Le problème, c'est le traitement du fait divers. Le fait divers ne fait pas diversion. Voilà, le fait divers exprime, je veux dire, les faits divers de violence faite aux femmes ne sont pas, ils font pas diversion. Vous voyez, ils peuvent permettre une prise de conscience. Alors là, je trouve qu'ils sont d'ailleurs plus des faits divers maintenant. Voilà, on les sort. Voilà, le fait divers, c'est-à-dire tout ce qui ne ressortit pas à la politique ou à l'économie, aux grandes rubriques des journaux, c'est quelque chose de très important. Et je trouve que là, Bourdieu a manqué l'occasion d'une réflexion qui est beaucoup plus présente aujourd'hui en sciences sociales sur l'importance sociologique du fait divers. La démocratie consiste à soumettre le pouvoir politique à un contrôle. C'est là sa caractéristique essentielle. il ne devrait exister dans une démocratie aucun pouvoir politique incontrôlé. Or, la télévision est devenue aujourd'hui un pouvoir colossal. On peut même dire qu'elle est potentiellement le plus important de tous, comme si elle avait remplacé la voix de Dieu. Et il en sera ainsi tant que nous continuerons à supporter ces abus. La télévision a acquis un pouvoir trop étendu au sein de la démocratie. Nulle démocratie ne peut survivre si l'on ne met pas fin à cette toute-puissance. Et il est certain que l'on abuse de ce pouvoir aujourd'hui. La télévision n'existait pas sous Hitler, encore que sa propagande fût organisée systématiquement avec une puissance presque incomparable. Un nouvel Hitler disposerait avec elle d'un pouvoir sans limite. Il ne peut y avoir de démocratie si l'on ne soumet pas la télévision à un contrôle. Ou, pour parler plus précisément, la démocratie ne peut subsister durablement tant que le pouvoir de la télévision ne sera pas complètement mis à jour. En fait, les ennemis de la démocratie eux-mêmes n'ont encore qu'une faible conscience de ce pouvoir. Quand ils auront vraiment compris ce qu'on peut en faire, ils l'utiliseront de toutes les façons, y compris dans les situations les plus dangereuses. Mais alors il sera trop tard. C'est maintenant que nous devons prendre conscience de ce risque et soumettre la télévision à un contrôle. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine. Vous n'avez pas honte ? Non, j'ai pas honte du tout. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord ? C'est pas mal. Ça existe. Oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort, qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on n'adhère pas à la convention internationale. Là, vous sur décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées. Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez. C'est très bien, monsieur Mélenchon. Ah ouais. Ah, ça, c'est très bien, parce que ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Que faisiez-vous le 23 septembre 2021? Eh bien, pour ma part, j'étais devant BFM Télé comme 3,8 millions de téléspectateurs à suivre le match débat, le combat de catch. Comme dirait Pierre Bourdieu, entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, la question qui se pose, vu qu'on a entendu juste avant, interprété par Bernard Gabé, un extrait du texte de Karl Popper, hein, qui s'appelle « La télévision, un danger pour la démocratie », qui est paru en 1994, là, la question qui se pose, elle est assez claire. C'est que finalement, ce qui est montré à la télévision, est-ce que c'est du débat? Est-ce que c'est une manière de stimuler l'espace public, la liberté d'expression, ce qui revient souvent comme argument, ou au contraire, est-ce que c'est un danger? Et est-ce que ce qui passe à la télé doit être forcément contrôlé et voire peut-être censuré? Oui, alors je n'ai pas regardé le débat Zemmour. Vous ne faisiez pas partie de ces millions de téléspectateurs? Non, parce que je n'en attendais rien, justement, peut-être parce que j'avais lu Bourdieu, et aussi Karl Popper. Bourdieu n'aimait pas Popper. Karl Popper, c'est un philosophe des sciences. Qui a une grande importance dans l'épistémologie des sciences et qui a un point de vue tout à fait différent, un point de vue libéral tout à fait différent de celui de Bourdieu, mais ils se rejoignent. Les deux livres sont pratiquement contemporains et Popper est très, vous l'avez vu, c'est la voix de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on a mis la musique, la grand-messe du JT de 20h. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que Popper connaît le monde britannique et le fait que la BBC a été soumise à des contrôles. Un proche sociologue anglais de Pierre Bourdieu, Richard Hogarth, a été au board de la BBC pendant très longtemps. Et l'idée que la télévision puisse être non pas un danger pour la démocratie, mais au contraire son adjuvant, a été très répandue chez les sociologues britanniques. Je pense à Hogarth, qui est le plus ancien, mais aussi à Jim McGuigan, etc., qui ont réfléchi aux conditions de possibilité d'une critique de la télévision. Popper, c'est vraiment le pouvoir absolu de la télé. Et la question qu'on peut se poser, je pense à un livre assez récent de Gérard Noriel, puisque nous entendions Monsieur Zemmour. C'est un livre qui s'appelle « Le venin dans la plume » où il compare Drummond, Édouard Drummond, l'antisémite du début du siècle, et Zemmour. Et cette comparaison tient le choc, il a tout à fait raison de la faire. Et Drummond, je pense, enfin bon, je touche du bois, a eu beaucoup plus d'importance pour le moment que Zemmour. Et il n'avait pas de télévision. Donc, si vous voulez, il faut faire attention à ne pas absolutiser le médium télévision. Je crois que effectivement, il y a une force intrinsèque de l'image. Il y a, mais la télévision très souvent échappe, disons, aux formes de contrôle que la démocratie exerce sur elle-même. Hein, les checks and balances, etc. Mais je pense pour autant que l'image est un peu forcée. Pour le moment, alors moi j'ai vécu longtemps en Hongrie et donc je connais l'habileté d'Orban à utiliser les médias, à monopoliser les médias. Il n'y a plus d'opposition télévisuelle à Orban en Hongrie. Donc ça c'est une réalité, le contrôle de l'image. Mais je pense que là, on est peut-être dans un forçage ou dans une illusion de la toute-puissance de la télé, hein, qui devient divine, qui est, je crois, comment dire, qui diminue toute capacité critique de la part des citoyens. Et moi, je crois, peut-être par optimisme, Béa, que cette capacité critique, elle peut et surtout doit aujourd'hui être revivifiée. Alors, mais on pourrait aussi se demander, Jean-Louis Fabiani, si ce qui est reproché à la télé, notamment dans son rapport à la démocratie, hein, que ce soit du côté de Karl Popper, ou qui est effectivement très inquiet, ou de Pierre Bourdieu, qui est, disons, inquiet, peut-être un tout petit peu moins, mais enfin, ils se rejoignent quand même sur cette inquiétude. Si le problème par rapport à la télé vient du fait qu'elle soit un danger pour la démocratie parce que la réalité y est en partie montrée et reconstruite, donc là, on a un problème d'accès à l'information, ou c'est parce que la télé, elle est abêtissante. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, qui est que quand on regarde la télé, on devient bête, c'est vulgaire, c'est de l'image, il ne s'y passe rien, c'est du sensationnel. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Bourdieu sur les faits divers. Le problème, est-ce que c'est le divertissement que propose la télé ou c'est la manière dont elle expose l'information? Alors, il y a les deux. Et la dérive vers ce qu'on a appelé l'infotainment, que Bourdieu n'a pas connu, mais qu'il a en quelque sorte prévu, est quelque chose de central. Trump n'aurait pas existé sans cette dimension. Il a été longtemps, comment dire, hôte de talk show, The Apprentice. C'est là qu'il a appris à les médias, l'usage des médias. Et on voit très clairement que, dans ce cas-là, il a eu la capacité, disons, de mettre à mal la démocratie états-unienne grâce à des techniques de spectacle. C'est de l'histrionisme, si vous voulez. Ça nous paraît grotesque à nous, intellectuels, mais ça a fonctionné très bien et ça continue de fonctionner. Le deuxième point, effectivement, c'est le fait que il n'y a pas... bon, il y a un CSA, etc., mais que la télévision devrait faire l'objet d'un contrôle citoyen plus ferme, et notamment, je parle citoyen, et pas seulement d'une autorité para-étatique le mérite de Bourdieu, c'était d'introduire cette question dans le débat public, puisque comme la télé, c'est un meuble familier. Donc c'est quelque chose dont on ne perçoit même plus l'existence. C'est quelque chose qui... J'étais ce week-end dans un village corse et les gens mettent la télévision comme fond sonore, comme fond... C'est quelque chose qui, au fond, paraît totalement inoffensif. Et donc, on comprend comme elle en soit. Et je crois que là, effectivement, la puissance de ce type de gestion de l'image a été renforcée depuis un quart de siècle par... la puissance de l'infotainment. Quand vous voyez que une ministre en exercice souhaite que les débats de la présidentielle qui vient soient arbitrés par Cyril Hanouna, on voit très bien qu'on est allé très loin dans cette idée de, pour capter l'attention du spectateur, il faut divertir. Mais alors ça, c'est une question que je me pose régulièrement, Jean-Louis Fabiani, quand je regarde la télé, qui est que finalement, quand on regarde la télé, on est toujours scandalisé. C'est-à-dire que on trouve toujours que ce qui nous est montré est nul, que c'est maltraité, que c'est moche. Pourtant, on continue déjà à la regarder. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ce qui n'est pas le cas des générations plus jeunes. Et en même temps, donc, on continue à regarder cette télé-là, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on attendrait de mieux. C'est-à-dire qu'on porte un jugement esthétique et moral et même politique sur la télé en se disant, il pourrait faire comme ça, ça devrait être montré de cette manière-là. Mais finalement, c'est comme si on reprochait à la télé d'être ce qu'elle est et d'être ce qu'on aime aussi regarder. Il y a un rapport ambigu de nous-mêmes avec la télé. Très ambigu parce que, et même, et ça, je l'étends aux formes non télévisuelles, non des grandes chaînes de regard de l'image aujourd'hui chez les jeunes générations. On aime, il y a un côté, je veux dire, qui est très puissant. C'est pour ça que je disais Bourdieu aurait dû s'intéresser à l'auditoire, parce que l'audience est quelque chose d'important. C'est pas seulement un médium qui fabrique des choses, c'est nous qui fabriquons des choses avec ce médium. Et l'idée que on peut dire, ben c'est du trash, mais je le regarde quand même. Au fond, Hanouna, ben je vais jeter un œil hein, pour voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui est très répandu. Y compris, moi je vois sur les réseaux sociaux, mes collègues universitaires de très grand renom font beaucoup état de d'émissions de télé. C'est très étonnant. Donc cette fascination, répulsion, cette ambivalence que vous soulignez entre un objet complètement ordinaire et puis le fait qu'on attend quelque chose qui nous déçoit toujours, mais qu'on reprend. Oui, et puis qu'on pourrait aussi ne rien en attendre. Pourquoi on voudrait à tout prix une télé qui soit parfaite? Pourquoi on voudrait une télé qui soit une institutrice, qui fasse que du contenu pédagogique? Pourquoi on voudrait que ce soit que des débats tels qu'on pense que devrait être un débat? C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une sorte de mythification d'une télé, comme dans le texte d'Umberto Eco, avant la télé au moins parlait de choses extérieures. Déjà, elle parle souvent de choses extérieures, mais en plus, on en attend quelque chose qu'on ne voudrait même pas regarder. Absolument. Alors, là encore, c'est compliqué, mais dès qu'une innovation technologique survient, on lui prête des vertus qu'après on dénonce. Mais ça a été le cas du téléphone, des réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux, c'est de la démocratie directe, etc. Et la télévision a été vue, en particulier en France, comme une institutrice. Elle allait apporter la culture, la modernité dans les provinces les plus reculées. Moi, je me souviens que dans le village corse dont je suis originaire, ce sont des habitants, parce que comme il y avait très peu d'habitants, l'État se moquait complètement d'installer des relais de télévision. Ce sont des habitants qui se sont mobilisés pour créer des antennes clandestines pour avoir enfin la télé. Et donc, ça, c'est le paradoxe. Quand on pense que la Corse est définie contre la France, l'identité corse, etc., dans les années 70, mais dans les années 60, c'était des habitants qui voulaient la télé parce qu'ils voulaient cette modernité. Je crois qu'on a beaucoup... Et être connecté aux autres, regarder voilà. La même chose, aussi voilà. Faire cohésion le avec 20 heures, etc. Bon, cet aspect a disparu, mais je crois que c'est important de le noter, cette sorte d'ambivalence qui voudrait que la télévision soit meilleure que nous, en quelque sorte, et qu'elle ne soit pas livrée au cancan, au clash, à la vulgarité, etc. Mais si nous regardons comme ça, même avec un œil d'intello, et en disant c'est dégueulasse, ce genre de télévision, c'est qu'elle nous intéresse aussi quelque part. Alors on va entendre une dernière archive de Pierre Bourdieu, Jean-Louis Fabiani, c'est justement sur la question de l'audimat. L'audimat est dans tous les cerveaux. Je pense que la force de cette institution a été de créer ce que les historiens appelleraient une mentalité. Il y a une mentalité audimat aujourd'hui dans les salles de rédaction, dans les maisons d'édition, etc. On pense en termes de succès commercial. Bon, parce qu'audimat, ça veut dire ça. Hein, ça veut dire le succès démocratique, ça veut dire le succès commercial. Et bon, il y a simplement une trentaine d'années, Et ça depuis le milieu du XIXe siècle, depuis Baudelaire, Flaubert, etc. Le succès commercial pour un écrivain était suspect. On y voyait un signe de compromission avec le siècle, avec l'argent, etc. Or, donc, voir se réintroduire cette mentalité audimate jusque dans les univers de production d'avant-garde, jusque chez les éditeurs d'avant-garde, jusque chez les... jusque dans les institutions savantes, bon, qui se mettent à faire du marketing, etc. Bon, c'est très très inquiétant parce que cela risque de mettre en question les conditions mêmes de la production de ces œuvres ésotériques réservées à quelques-uns, mais qui en même temps sont les accomplissements les plus hauts de l'esprit humain. C'est toujours un extrait de Sur la télévision réalisé par Gilles Lhôte qui date de 1996. Très intéressant en fait cette archive de Pierre Bourdieu où il nous dit que la télé finalement il ne l'analyse pas qu'en tant que telle mais aussi dans la manière dont elle s'est diffusée et dont elle a contaminé des modes de production qui ne sont pas que les siens mais qui sont effectivement celles des productions artistiques, scientifiques, culturelles. Jean-Louis Fabiani. Oui, la télévision, alors, pour le coup, on pourrait dire, est un virus qui va manger des secteurs de la littérature d'avant-garde ou l'université, etc., qui seraient autrefois protégés de ça. Alors, il parle d'ésotérisme, mais dans mon livre sur Bourdieu et le structuralisme héroïque, j'ai montré que Bourdieu avait toujours un pied dans l'ésotérisme et un pied dans l'exotérisme. Et que lui-même, ici, il se prend peut-être les pieds dans cette recherche élitiste. Il n'est pas sûr d'ailleurs que les grands écrivains du 19e aient dédaigné totalement la notoriété, etc. Tout ça est plus compliqué. Et je crois que là, c'est très discutable ce qu'il dit, puisqu'il existe, au Collège de France, il pouvait faire ce qu'il voulait. Enfin, la contamination n'est pas aussi importante qu'on ne pourrait le croire. Et il nous appartient à nous, les universitaires, puisque j'en suis encore, de contrôler et de ne pas être fascinés par la notoriété. Et là, Bourdieu est un petit peu aux limites de son raisonnement. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait distinguer entre, d'une part, le fait d'écrire pour que ce soit lu aussi, d'écrire, de réfléchir, de proposer des œuvres pour qu'elles soient lues, et ça, ce serait pas vraiment, critiquable, et puis le fait qu'effectivement, la télé, non seulement ne parle pas des œuvres qui sont trop longues, qui sont trop compliquées, c'est-à-dire qu'il y a un problème de diversité d'œuvres et de pensées à la télé, et le fait qu'elle va jusqu'à d'emblée modifié, on intériorise le fait qu'il faudrait produire de cette manière-là. Et c'est là où la critique de Bourdieu est intéressante quand même, sur cette audience qui contamine. Oui, je pense, effectivement, elle est intéressante. Mais je pense que la propriété d'un vrai artiste, d'un vrai intellectuel, c'est justement de résister à cette pression. Et le fait que cette pression soit si irrésistible, on le voit à la fin des règles de l'art, que tout puisse tomber comme ça, l'autonomie littéraire puisse tomber, s'effriter en un instant, est très inquiétante pour nous, les chercheurs ou les artistes. Je veux dire, nous n'avons qu'à résister. Alors, il y a une puissance, effectivement, qui est pas une puissance de la télévision, qui est une puissance du marché. Mais cette puissance du marché, nous pouvons aussi lutter contre. Merci beaucoup Jean-Louis Fabiani d'avoir ouvert cette semaine sur la télévision et donc avec Pierre Bourdieu. De vous, on peut lire La sociologie, histoire, idées et courants, c'est aux éditions Sciences Humaines. La sociologie comme elle s'écrit de Bourdieu à la Tour aux éditions de l'EHESS. Et puis, je ne l'ai pas sous les yeux, mais le titre de votre livre qui est paru au Seuil sur Bourdieu, Un structuralisme héroïque. C'est ça. Eh ben, je m'en souvenais. Et donc, de Pierre Bourdieu, je vous en prie. Vous pouvez lire sur la télé, suivi de son texte de L'emprise du journaliste, c'est aux éditions Libère. Câblé sur télé, l'image, le son sont mes spectres. Les programmes, je bête, les directs, je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Aux sagas des séries et au bang bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi l'émission. Argo Margo, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo. Comme un lundi, un samedi mat ou le jour du seigneur. Je suis à téléfil, au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub dans les films. Je veux du feu, de l'amour et de la l'aventure. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Stade 2, télé allumée, même sous la couette elle m'appelle. 19h20, je suis avec elle, comme un mini ou 14h. Quand je me lève, on... Ne zappez pas, vous écoutez France Culture, vous écoutez Passy, évidemment, je zappe et je mate, il est 10h54 et ne zappez d'autant, pas, d'autant moins que vous allez retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi relie-t-on l'espace et le temps? Pourquoi parle-t-on toujours ensemble de l'espace et du temps et pas seulement en philosophie, ni même seulement en physique, qui parle même parfois de l'espace-temps avec un petit tiret, mais dans nos vies où l'on parle de s'orienter dans l'espace et dans le temps, et l'on a bien raison d'y voir quelque chose de fondamental. Mais pourquoi relier ces deux dimensions qui semblent a priori n'avoir rien à faire l'une avec l'autre? Chacun sent aussi, entre l'espace et le temps, une très profonde différence. Et pourtant, c'est très simple, la raison de ce lien est très simple, c'est que on cherche avec l'espace et le temps un dernier système de différence quand on veut abolir toutes les autres, quand on veut penser tous les objets ensemble et ne plus les repérer par leurs différences internes, alors il reste au moins une différence qui restera toujours, c'est leur différence de situation dans l'espace. Celle-là est inéliminable. Avoir des objets, c'est au minimum les disposer comme des points dans un espace vide, dans un espace qui va bientôt devenir l'espace des mathématiques. Mais il y a au moins une autre différence qui résiste. Toutes les autres, on peut les abstraire, on peut ne pas en tenir compte. C'est aussi le fait que cet espace, eh bien, il va changer avec le temps et que tous les objets sont aussi différents entre eux dans le temps. Et donc, le temps s'ajoute à l'espace dans notre esprit pour disposer les choses de l'univers quand on les suppose même identiques par ailleurs. Il y a donc au minimum ces deux espaces de référence et de différence, et ce sont peut-être les conditions de notre connaissance et de notre vie les plus fondamentales. Mais il faut se souvenir que l'espace et le temps ne sont pas venus tout de suite dans l'histoire de l'humanité, que ce sont des conquêtes de la raison, des conquêtes de la connaissance, et en particulier des mathématiques et de la physique, qui ont permis aussi, au prix d'une certaine abstraction, de maîtriser le monde et peut-être de le réduire. L'espace et le temps sont-ils donc donnés dans les choses mêmes ou bien sont-ils dans notre esprit? C'est une des grandes questions de la philosophie. Et on a tous en tête, tous, au moins ceux qui ont fait un début d'études de philosophie, une des premières choses qu'on nous apprend, c'est chez Kant, les définitions très célèbres de l'espace et du temps comme forme, a priori, de notre sensibilité. Ce qui veut dire que, pour Kant, l'espace et le temps ne sont pas dans les choses, mais sont dans la structure même de l'esprit humain qui impose cette grille, ce filtre, cette forme, ce repérage, comme on veut, à tous les objets qui ne peut pas en sortir. Du coup, peut-être y a-t-il, au-delà de notre connaissances spatio-temporelles, des choses qui ne sont ni spatiales ni temporelles, des choses éternelles, des choses compactes, sans différence. C'est un des grands problèmes de l'histoire de la philosophie. Mais il y a, et il y a peut-être surtout, cet indice que le temps s'ajoute toujours à l'espace comme un autre système de différence, comme un rappel du changement concret et pas seulement de la disposition extérieure des choses les unes aux autres. Et à travers cette différence, on retrouve toutes les autres. Pourquoi la physique d'Einstein a-t-elle tenté de réduire le temps à une dimension de l'espace? Mais en même temps, a-t-il mis l'univers dans le temps? Pourquoi les philosophies se sont-elles opposées sur ce point depuis toujours? Au fond, finalement, peut-être que la différence la plus importante, c'est cette différence maintenue entre l'espace et le temps lui-même. Ces deux systèmes de différence qui diffèrent entre eux et dans lesquels nous devons tous nous orienter individuellement et collectivement, s'orienter dans l'espace et dans le temps, la question la plus vitale peut-être de toutes. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Adèle Mandrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Audrey Guélil et Bernard Gabé à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur Pierre Bourdieu et sa critique de la télévision, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France, et rendez-vous demain pour la suite de notre série sur la télé, et demain nous parlerons de cinéma version petit écran avec la réalisatrice José Dayan.